pas de coke, pas de crack. Ne touche pas à la cocaïne ou à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne ou à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne ou à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne ou à l'héroïne. Je vais t'en parler, je peux t'en parler pendant des heures. J'y ai touché la cocaïne, l'héroïne, même le crack en allant jusqu'à l'extasy. J'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de monde, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes filles. Ne touche pas à la cocaïne, à l'héroïne, ne touche pas au crack et ni même à l'extasy. J'ai tout perdu, je te le dis, aujourd'hui je me sens si seul dans ma vie. J'ai tout perdu, je te le dis, aujourd'hui je me sens si seul dans ma vie. C'est vrai que j'ai quelques amis, je peux compter sur eux comme ils peuvent compter sur moi. Mais le plus important, je l'ai déjà perdu, je ne peux pas regarder en arrière, faut que j'avance. Touche pas à la cocaïne, à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne, à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne, à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne, à l'héroïne. Je m'en suis sorti, ce n'était pas facile. Je m'en suis sorti, sorti de ma vie. La cocaïne et l'héroïne, le crack et l'extasy ont bien pourri ma vie. J'ai commencé pour faire comme les amis, j'ai commencé pour faire comme tous mes amis. Je l'ai regretté par la suite et je te dis que c'est du mal, j'ai eu du mal à arrêter. Alors ne touche pas à l'héroïne et à la cocaïne, ni au crack, à l'extasy. Ça te pourrit ta vie, ça te fait tout perdre si tu tiens à ta vie, si tu tiens à ta clarté. Ne touche pas à la cocaïne, à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne, à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne, à l'héroïne. Ne touche pas à la cocaïne, à l'héroïne. Fume un peu de haya ou un peu de cannabis, ça te laissera tranquille, ça te reposera le cerveau, ça te le niquera pas, tu perdras beaucoup moins de choses. Je te le dis une dernière fois, ne touche pas à l'héroïne ou à la cocaïne. Ne touche pas à la cocaïne ou à l'héroïne.